Toujours à l'émission Autour du Bloc sur les ondes de CHUO 89.1 FM. On invite donc Michel Prévost, archiviste en chef de l'Université d'Ottawa, à se joindre à nous. Bonjour, Monsieur Prévost. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir pour une deuxième fois à cette émission. Vous étiez de la partie lors du lancement de cette émission pour nous faire là à grands traits une revue historique de l'Université d'Ottawa en lien avec sa communauté élargie. On s'était arrêté il y a de cela à peu près deux semaines. Sur la question, en fait, on s'était arrêté à la période de la Deuxième Guerre mondiale à l'université. On rappelle brièvement là, on avait un peu jeté un regard sur l'émergence de la presse étudiante, qui avait pris du temps à se développer, création de la Rotonde en 1932, du Fulcrum un peu plus tard. Et on avait parlé de la Deuxième Guerre mondiale aussi, où à l'université, il y a eu la formation du fameux corps-école d'officiers canadiens de l'Université d'Ottawa, qui était composé d'une compagnie, d'un quartier général et de trois pelotons. Donc, une implication assez importante de l'Université d'Ottawa et de ses étudiants dans la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Autant la Première Guerre mondiale n'avait pas beaucoup touché l'université, on peut dire qu'à la Seconde Guerre mondiale, on sent vraiment là, sur le campus que c'est la guerre. Si on regarde les journaux étudiants, on en parle beaucoup. Il y avait même des cliniques de sang à l'université. Et bien sûr, il y avait le fameux corps d'officiers qui défilait là en face de Tabaret sur la rue Cumberland, on pouvait voir aussi là les pratiques sur le terrain de jeu là où aujourd'hui les édifice des sciences. Alors, retenons là que la Seconde Guerre mondiale a marqué les étudiants, mais surtout qu'il y a quand même plus de 1000 anciens et nouveaux étudiants qui ont participé, qui sont allés au front. Et sur ces 1000-là, il y en a quand même une cinquantaine qui ont perdu la vie. Alors, heureusement, à l'université, à chaque 11 novembre, il y a une cérémonie pour qu'on n'oublie pas le sacrifice de ces anciens ou de ces étudiants de l'Université d'Ottawa. Après la guerre, donc, c'est une nouvelle ère d'expansion pour l'université, surtout grâce suite à la démobilisation des soldats, où là, on a plus d'étudiants, des soldats, en fait, qui décident de venir étudier à l'université. Oui, mais c'est aussi toute une évolution de la société. Après la Seconde Guerre mondiale, et plus on avance à la fin des années 50 ou surtout 60, il y a un grand changement de société et il y a de plus en plus de gens qui arrivent ici. Et il y a quelque chose de très intéressant. Les pères Oblats, on va voir là qu'ils vont quitter bientôt, mais ont été très visionnaires. Ils ont vu que l'université était pour prendre de l'expansion parce que pendant longtemps, l'Université d'Ottawa, là, c'était le pavillon Tabaret, la salle académique, le pavillon Higgins, quelques maisons, mais on oublie là, le grand campus d'aujourd'hui. Et ils sont allés voir le gouvernement de l'Ontario. Ils se sont fait voter en 1959 une loi d'expropriation. Oui, voilà. Et ça, c'est intéressant parce que pour éviter la spéculation, comme ça se fait souvent, ben le seul acheteur, c'était l'Université d'Ottawa. Mais attention, l'Université le faisait progressivement. Soit que les gens décédaient ou mettaient la maison en vente et à ce moment-là, on en devenait propriétaire. Et l'histoire des petites maisons grises de l'Université, ça vient de là. Lorsqu'on achetait un bâtiment pour le distingué des maisons voisines qui ne faisaient pas encore partie de notre campus, on peignait ces maisons-là en gris, qui est une des couleurs officielles de l'université. Incarnée, entre autres, par nos équipes sportives, oui, le gris et le grenat. Exactement. En fait, le grenat vient d'où? Mais c'est les deux couleurs. Alors, le grenat, c'est un rouge vin. Oui, c'est ça. Et c'est les couleurs officielles de l'université depuis le 19e siècle. Et au début, nos équipes sportives, ça s'appelait le gris et le grenat. Mais très rapidement, les anglophones avaient beaucoup de difficulté à prononcer ça. Et on a dit GG's. Et finalement, ça sonnait tellement bien que même les francophones ont adopté. C'est assez cool comme oui, exactement. Mais peu de gens savent que finalement, ça vient des deux couleurs officielles de l'université. Donc, une nouvelle ère d'expansion à l'université après la guerre qui conduit à une crise financière assez importante au début des années 60. Très importante. Il faut voir, l'université est en pleine expansion, mais elle ne reçoit pas d'argent du gouvernement de l'Ontario, sauf un peu pour les sciences et la médecine. Et pourquoi? Parce que c'est une institution catholique. Comment voulez-vous, dans les années 60, gérer une université en pleine croissance si vous n'avez pas l'aide du gouvernement ontarien? Ce qui fait que à partir de 1960, le déficit double à chaque année. Et là, vraiment, en 63, là, les paroblas vont commencer à négocier avec le gouvernement de l'Ontario. Ça va se faire au départ avec le père Légaré, qui est recteur, mais c'est plutôt Roger Guindon, le père Guindon, qui est toujours vivant. Il y a un pavillon qui porte son nom à l'université, qui sérieusement là, va entamer les discussions et finalement, ça va aboutir le 1er juillet 1965 par l'adoption de la loi de l'université. C'est complexe, là, mais je vous résume en deux mots. On peut dire que les Oblats, qui dirigeaient l'université depuis 1848, vont céder leur pouvoir à un bureau des gouverneurs et que toutes les facultés civiles vont rester ici, alors que les pères Oblats vont aller fonder l'Université Saint-Paul et vont emmener avec eux la vieille charte civile, la vieille charte pontificale, mais aussi les facultés religieuses ecclésiastiques. Donc, avant de parler peut-être de plus substantiellement de la loi de 65, avant ça, comment est-ce que l'université pouvait générer des revenus? Est-ce que c'était essentiellement basé sur les inscriptions et la charité ou comment est-ce que ça fonctionnait? Les gens, on devait payer. Et même, on avait une école secondaire qui était très importante, mais il faut savoir que l'on devait payer. Alors, donc, une grande partie du budget venait des frais de scolarité. Mais il faut faire attention, les Oblats, c'est une communauté qui vient en aide aux pauvres, donc, et eux-mêmes vivent bien modestement. Alors, il n'y a pas de salaires qui sont payés aux religieux, mais il y a des salaires qui sont payés aux laïcs. Et dans les années 60, à la fin, les Oblats ne représentaient plus que 12%. Alors, c'est une autre raison aussi pourquoi ils ont quitté. Alors, c'est pas surprenant qu'il y ait un déficit. Mais aussi, régulièrement, on organisait de grandes campagnes dans l'archidiocèse, parce qu'il faut savoir que depuis 1889, le chancelier de l'Université d'Ottawa était toujours l'archidiocèse. Alors, il y a eu de grandes campagnes de financement, et par exemple, certains dimanches, tous les prêtres de l'archidiocèse, puis à l'époque, c'était immense, ça comprenait les deux côtés de la rivière, prônaient l'aide à l'université, et une des campagnes là où on a quand même eu plus $1 million de dollars, ce qui était une somme importante à l'université, et ça démontre que l'Université d'Ottawa, dès cette époque-là, avait des racines très profondes dans la communauté d'ici. Donc, ce manque à gagner de l'université, vous l'avez mentionné, est une cause, finalement, de sa déconfessionnalisation qui se consacre par la promulgation de la loi de la loi sur l'Université d'Ottawa de 1965, qui a été essentiellement orchestrée par, comme vous l'avez dit, le père Roger Guindon, donc il n'avait plus vraiment le choix, finalement, de prendre cette voie-là. Non, les Oblats, c'est pas de gaieté de cœur, là, parce que pour eux, l'Université d'Ottawa, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire qu'ils dirigeaient là, depuis le milieu du 19e siècle. C'est une institution qui avait quand même une grande réputation, qui était unique, mais ils n'avaient plus les reins solides, et il faut pas se le cacher, là, il n'y avait plus de nouveaux Oblats. La baisse n'est pas arrivée comme ça, là, en 1968. Là, il y avait eu une baisse progressive. On va le voir là, avec la fermeture du Juniorat qui était finalement la pépinière des Oblats en 1968. Juniorat qui est présentement la faculté des arts visuels. Si oui, c'est ça. Pas la faculté, là, mais le département oui, le beau bâtiment patrimonial là, au coin de Cumberland et il y avait une immense croix. Oui, puis il y avait une statue du Sacré-Cœur. Oui. Puis là, comme vous en parlez, comme ami du patrimoine, je dois vous dire que c'est le plus ancien pavillon, ça, de l'université, qui a été construit en 1893-94 par l'architecte Joseph Bourque. Et j'habite sur la rue Joseph Bourque. Je dois bien être le seul qui peut faire le lien. Non, c'est à Hall parce que, dans le secteur Hall, Bourque, c'est pas parce qu'il était architecte qu'il y a une rue qui porte son nom, c'est parce qu'il a été maire de la ville de Hall, mais c'est un architecte qui avait fait quand même beaucoup de bâtiments, et heureusement, ce bâtiment-là n'a pas été détruit, là, contrairement à beaucoup, beaucoup d'autres. Et on revient donc sur le contexte de 1965. Il y a l'Université Saint-Paul qui accueille les facultés ecclésiastiques de l'Université d'Ottawa. Donc, quel est le statut de l'Université Saint-Paul à ce moment-là? Est-ce que c'est un Est-ce que c'est un bras étendu de l'université ou c'est carrément une institution indépendante de l'université? C'est une institution qui est fédérée à l'Université d'Ottawa, mais c'est une université à même titre que l'Université d'Ottawa Saint-Paul, sauf que c'est dirigé comme c'est dirigé par les Oblats, alors que l'université devient une institution là privée, mais qui ne relève plus du tout des pères Oblats. Mais encore là, pour vous montrer à quel point ça n'a pas été une révolution en 1965, on a gardé le même recteur. En fait, le père Guindon est le dernier recteur de l'ancienne université. Il est pour un bon moment. Mais jusqu'en 1984, encore pendant presque 20 ans, il a continué à diriger l'université. Alors, c'est là qu'on voit que c'est vraiment une transition en douceur. Et entre vous et moi, je pense pas qu'à l'avenir, il y a un recteur qui va diriger l'université pendant 20 ans. C'est plusieurs mandats, ça, là. Puis, entre-temps, il y a un fait très intéressant. La Rotonde va être proclamée le journal le plus censuré au Canada aux assises de la presse universitaire canadienne de 56. C'est fascinant, ça. Oui, mais ça faut expliquer le contexte. Pour les pères Oblats, pour eux, c'était tout à fait normal d'avoir un droit de regard sur la publication étudiante. Parce qu'à l'époque, là, en fait, il y a un grand contrôle des pères Oblats. Puis la notion que les étudiants peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent dire ce qu'ils veulent, ça, finalement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un contexte très contemporain. Mais dans les années 40, 50 et jusqu'au début des années 60, ben comme c'est une institution qui est dirigée par les pères Oblats, c'est une institution catholique, ben il y avait des règles précises. Et lorsqu'on les transgressait, ben à ce moment-là, il pouvait y avoir des conséquences. Et ce qui s'est passé dans les années 50, où le journal a été proclamé le plus censuré au Canada, ben il y a eu beaucoup de suite à ça, parce que là, les étudiants ont accusé les pères de paternalistes, et là, les pères n'ont pas du tout aimé ça, ont boycotté les festivités du 25e anniversaire, mais il ne faut pas penser qu'il y a tout le temps des tensions. Et la dernière fois que j'ai vu ça, c'est en 1964, et il manquait 4 pages. Alors, au départ, je pensais que c'était une erreur de pagination, mais finalement, c'est 4 pages qui ont été retirées. C'est dans le numéro de la rentrée en septembre. Et les étudiants critiquaient la venue de la reine au Québec, Le fameux samedi de la matraque. Et les pères Oblats ont jugé que c'était offensant à l'égard de la monarchie, à l'égard de la reine Élisabeth II, et ont tout simplement refusé que ces numéros-là soient publiés. Et c'est là qu'on voit la différence. Après 1965, là, les journaux vont relever de la fédération étudiante et vont avoir une totale autonomie. L'administration ne va plus ne va plus interdire la publication de certains articles, même si on peut critiquer l'administration. Et la Rotonde est aujourd'hui nouvelle évolution l'année dernière. Elle est indépendante depuis un an. Le Fulcrum l'est depuis 2003, je pense. Donc, nouvelle évolution dans la période des journaux étudiants. C'est fascinant, l'étude. Pas pour la période récente, là, mais j'ai écrit des articles sur l'histoire des journaux étudiants. Et finalement, c'est un reflet de la société. Et on voit les sujets que l'on traitait dans les années 40 et 50 ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. C'est bien sûr que dans les années 40 et 50, on parlait pas très, très peu. On n'aurait jamais parlé de sida, par exemple, ou de sexualité. Des sujets qui étaient totalement tabous à cette époque-là, puis qui ne l'est plus du tout aujourd'hui. D'ailleurs, on voit un peu les germes de la contre-culture ici, ce qui m'amène à mon prochain sujet, les années 60-70, les années de la contre-culture, de la contestation. L'université, elle les vit comment? Elle a vit comment cette période-là? C'est une question très, très large, mais il y a plusieurs événements qui vont marquer cette période-là, notamment des revendications pour la création d'une université française. Soulignons d'abord que, contrairement à ce qui s'est passé le mai 68 dans les universités françaises ou même dans certaines universités à Montréal, ça a quand même été relativement très, très tranquille ici. Là, on n'a pas saccagé les locaux de l'université, mais il y a eu une occupation quand même du deuxième étage du pavillon Tabaret, et il y avait un groupe, effectivement, qui revendiquait une université française. Mais à l'époque, là, le père Guaida a montré très rapidement qu'il y avait quand même une autorité à l'université, et on a vite ensuite appelé la police et ces manifestants-là ont été embarqués là, dans un panier à salade. On a une photo de ça, mais on peut pas dire là que c'était un groupe très minoritaire, même si l'événement a fait beaucoup de bruit, et on peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de suites à ça. Mais il y a d'autres manifestations. Et là, il y a eu des suites, et c'est là que c'est intéressant. C'est les étudiants commençaient à demander à vouloir plus participer à la gouvernance de l'université. Et c'est grâce aux demandes qu'il y a eu dans les années 68 qu'aujourd'hui, dans les années 60, le début 70, qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui siègent au Sénat, au bureau des gouverneurs, au conseil des départements. Aux différents comités sénatoriaux. Aux différents aussi, comités. Ouais. Ça, oubliez ça, là, avant 65, ben non, pour les pères au blanc, les étudiants étaient ici pour étudier et non pour ils participaient à la vie sportive, à la vie culturelle, mais pas du tout à la gouvernance. Les étudiants n'avaient pas nécessairement non plus la volonté ou la motivation pour peut-être que oui, je sais pas. Je vais mettre une nuance. Si on regarde la rotonde, elle est beaucoup plus revendicatrice que le fulcrum. Et là, ça, c'est sans doute un phénomène culturel. Oh, tout à fait, où oui. Finalement, les francophones sont beaucoup plus... Culture de la revendication. Oui, exactement. Oui. Alors, il faut pas penser qu'il y en a pas eu non plus avant 1965. Même, je suis tombé récemment sur la première grève pour se plaindre de la qualité de la nourriture à la cafétéria. Puis c'était à la fin du 19e siècle. Alors, c'est quand même assez étonnant. Là. Faut oublier l'image là d'étudiants moutons, là. Mais il y avait des limites et il y en a qui ont déjà passé les limites. Puis un rédacteur, par exemple, de la Rotonde, puis il a été expulsé de l'université. Mais ça veut pas dire que les étudiants étaient complètement muets, là. Mais il y avait quand même, fallait éviter des attaques personnelles. On n'aurait pas toléré non plus des attaques contre la religion catholique parce que l'université est une institution catholique. Aussi, le communisme. On voit beaucoup d'articles qui condamnent le communisme. C'était l'ennemi principal de l'Église, il faut le rappeler, à certaines époques. Oui, faites bien de le rappeler. Alors, par exemple, on n'aurait jamais toléré une association, un regroupement là, de politique, de communisme à l'université avant 1965. Je reviens juste brièvement sur la question de la création d'une université française. Parce que le projet est revenu à quelques reprises, je pense, à travers l'histoire de l'université. Et là, à cette époque-là, est-ce que c'est pas vrai de dire que on n'était pas loin, en fait, d'obtenir cette revendication-là. Peut-être que je me trompe, mais c'est allé jusqu'où ce projet-là d'université francophone indépendante à Ottawa? Je pense que c'est pas allé très loin, mais il faut savoir aussi qu'en 1965 et jusqu'en 1975, l'université, la majorité de la population étudiante était francophone. Donc, on n'avait pas, vous preniez sur le campus, on entendait du français partout, finalement, c'est beaucoup plus au début des années 80 où à un moment donné, l'ACFO a sonné l'alarme et elle a dit, si les tendances se maintiennent, la population francophone de l'université va baisser beaucoup. Et c'est là, finalement, là, qu'il y a eu plus un réveil. Mais moi, quand je suis arrivé à l'université en 1975, c'est l'année là où il y avait égalité entre anglophones et francophones. Et par la suite, ça va baisser progressivement. Oui. Ça baisse pas beaucoup par année, mais si vous mettez ça sur plusieurs années, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, c'est à peu près 30% francophones, alors qu'on peut dire que jusqu'en 1975, là, les francophones avaient toujours été majoritaires. Alors, il y a eu des périodes beaucoup plus de revendications, mais les étudiants aussi, dans les années 70 et 80, étaient beaucoup plus revendicateurs, surtout que les étudiants aujourd'hui, parce que les frais de scolarité n'étaient pas les mêmes. Il y a plusieurs raisons, une question de société, mais aussi, il faut pas oublier que quand moi, j'étais étudiant, c'était une minorité qui travaillait, puis si on travaillait 10 heures par semaine, pas aujourd'hui. On voit les étudiants travailler de plus en plus. Alors, si vous étudiez, vous travaillez, il vous reste plus beaucoup de temps là pour les revendications. Et quand j'étais étudiant, moi, il y avait les élections. Les étudiants y participaient beaucoup plus. On sentait plus une vie sur le campus. Il y avait cinéma étudiant. On sentait plus de revendications, je pense. qu'aujourd'hui. Quoique, maintenant que je suis étudiant, là, je suis plus autant qu'autrefois, là, mais je sens moins de... Sauf pour les frais de scolarité, là, qui touchent vraiment les oui, étudiants. Il y a la manifestation annuelle jusqu'au Parlement. Oui, oui, exactement. Comment est-ce que la communauté de la Côte-de-Sable va réagir en parallèle à tout ça? Parce que l'université grandit. Et tissée serrée qu'elle est, la communauté de la Côte-de-Sable, comment est-ce qu'elle va répondre à ces changements-là? Bien, il va y avoir des éléments positifs, mais des éléments négatifs aussi. Les résidents vont souvent se plaindre que les étudiants font trop de bruit, font des... partez. On a vu aussi l'université s'agrandir et empiéter sur la Côte-de-Sable. Et je vais être honnête avec vous, jusque dans les années 90, on consultait très, très peu la population de la Côte-de-Sable. Maintenant, et King Edward, là, on peut le voir très bien, lorsqu'il y a des nouveaux plans de développement, et ça, on le doit beaucoup là à l'architecte, maintenant qui est le directeur du service des immeubles, là, Claudio Brandelleri, lui qui est beaucoup ouvert sur la communauté. Alors, avant, finalement, de s'agrandir, de faire des changements, l'université va maintenant consulter la population. Puis, on peut dire là, qu'au cours des dernières années, la relation entre la Côte-de-Sable et l'université s'est grandement améliorée. Il faut dire aussi que la Côte-de-Sable a son association qui est Action Côte-de-Sable et l'université aussi dialogue avec ces gens-là. C'est plus, là, comme je dirais, dans les années 60-70, l'Université d'Ottawa occupe une partie importante de la Côte-de-Sable et il n'y a rien qui peut empêcher son développement. Puis une fois que les gens sont informés, consultés, ils réagissent beaucoup mieux que de se faire imposer des tours ou des projets là, pour lesquels ils n'ont jamais été consultés. Autre fait intéressant, on embarque dans les années 80, ou fin années 80, 87 plutôt, la ville d'Ottawa va vendre à l'université les rues intérieures du campus. C'est pour ça qu'on a nos propres noms de rue, en fait. Oui, puis ça va beaucoup embellir. Alors, il y avait plusieurs raisons. C'est comme nous, on sera jamais comme l'Université Carleton, près d'une rivière avec la forêt puis des grands champs. Alors, la valeur, c'est le patrimoine, mais aussi, on a voulu créer un campus beaucoup plus amical avec moins de circulation automobile. Et c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on a acheté la rue Woolbrook, qui est aujourd'hui la rue Séraphin-Marion, et on a fermé la rue parce que quand moi j'étais étudiant, c'était une des voies principales pour aller au centre-ville, ça. Alors, c'était très, très brutal. Il va toujours rester la rue Laurier puis l'avenue King Edward. Ça, on va devoir composer avec ça. Et naturellement, pour l'histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a rebaptisé des noms liés à l'histoire de l'Université d'Ottawa. Par exemple, Séraphin Marion, c'est un grand défenseur des Franco-Ontariens, mais il a enseigné ici pendant des décennies, au début, la littérature française. Et il est le premier à avoir enseigné ce qu'on appelait à l'époque la littérature canadienne-française. Parce que jusqu'à son arrivée, pour les pères au blas du 19e siècle et du début du 20e siècle, la grande littérature, c'était la littérature française. Alors, on lui doit beaucoup, mais attention, le Louis Pasteur et Marie Curie là, n'ont jamais étudié à l'Université d'Ottawa. Thomas More, malheureusement, là. Mais il y a quand même Jean-Jacques Lussier, c'est quand même lié, oui. Rue de l'Université, Séraphin Marion. Les années 90 sont marquées surtout par les grandes coupures. Les années Ray et aussi à partir de 1995, bon, il y a Paul Martin qui coupe, qui sabre pour finalement rembourser la dette. On connaît un peu ces années sont assez troubles en fait pour l'éducation. Comment est-ce que ça se vit à l'université? Est-ce qu'il y a réaction très, très, très forte, très virulente à l'université face à ces coupures? Bien, il y a eu des réactions, mais on n'a pas eu le choix parce que c'est imposé par Queen's Park. Et la façon la plus visible, c'est qu'à ce moment-là, on embauchait très peu de nouveaux professeurs. Oui. On embauchait très peu de nouveaux personnels enseignants. Et je suis bien placé pour le savoir, les directeurs des services, bien, on a dû effectuer des coupures. coupure. Alors, c'était une période assez morose, là, mais à l'époque, les gens ont quand même compris. Et il y a eu aussi, là, à l'époque, il y avait un comité, là, qui représentait les employés. Il y a quand même eu assez un dialogue intéressant, mais on peut pas dire, là, que ça a été des années joyeuses pour l'Université d'Ottawa. En même temps, il y a aussi de nouvelles armoiries pour l'université qui arrivent, qui sont approuvées par l'autorité héraldique du Canada. Mais ces armoiries, elles sont pas mises en évidence, en fait. Il y a le fameux symbole du pavillon Tabaret, les colonnes, mais ce ne sont pas les armoiries officielles de l'université. C'est les armoiries qui sont situées sur le toit là, du pavillon Tabaret. Oui, ça, c'est les armoiries officielles de l'université. C'est parce que quand on voit en couleur, on comprend très, très bien. Par exemple, les deux chevaux, là, c'est lié au Gigi's, qui est le symbole du sport à l'université. Puis aussi, le cheval est un animal très noble. On voit là des bordures bleues. Là. Ça, c'est pour montrer que l'université est entre la rue Rideau et le canal Rideau. La flambe, c'est le savoir. Peut-être que on peut peut-être nous reprocher de pas faire assez de promotion et d'expliquer ce que sont les armoiries de l'université, mais il y a un symbole. Vous avez oui. Quand même fleur de trie, fleur de lys qui représente les deux groupes. Alors chaque élément a été étudié. Et contrairement aux autres armoiries qui avaient jamais été approuvées officiellement, je dois vous dire que les armoiries actuelles ont été étudier et reflète l'histoire et le développement de l'université. Mais il y a des sites qui ont complètement disparu. Comme avant, on retrouvait le chardon qui représentait les Écossais, la harpe qui représentait les Irlandais, la rose qui représentait les Anglais, la fleur de lys, les Français. 1992, l'université va désormais permettre aux étudiants d'obtenir leur diplôme sans passer un examen de bilinguisme. C'est un changement assez important. Est-ce qu'on y voit là un peu un changement de d'orientation par rapport à l'engagement envers la francophonie de la part de l'université? Est-ce qu'il y a là, pas un désengagement, mais un changement dans la vision de l'université? Ben, vous dites qu'il n'y a pas eu de changement. Il y en a eu un, mais l'université, l'administration l'a expliqué par le fait qu'on recevait de plus en plus d'étudiants étrangers, dont qui avaient ni l'anglais ni le français comme langue maternelle. Et ces gens-là avaient suivi tous les cours, mais n'arrivaient pas à passer le test de langue seconde. Et ça, c'était un héritage majeur. Et aussi, l'université a cru que, comme on forçait les gens à apprendre, à passer ces tests-là, est-ce que c'était la meilleure façon, finalement, de pousser l'amour pour la langue française et la francophonie? Alors, l'université s'est dit, bon, on va peut-être avoir moins d'étudiants qui vont suivre des cours de langue seconde ou qui vont passer ces tests-là, mais ceux qui vont le suivre vont pas le faire parce qu'ils étaient obligés. Mais oui, effectivement, on doit dire qu'il y a eu un changement à cette époque-là. Qui est un changement, donc, qui est poursuivi à travers la fameuse vision 2010 élaborée par le recteur Gilles Patry. Qu'est-ce que cette vision-là, bon, qui se termine l'an prochain, proposait? Quels en étaient les grands objectifs? Des choses très intéressantes. On a réaffirmé, par exemple, l'importance du bilinguisme. Il y avait aussi, on réaffirme là, l'importance, l'Université d'Ottawa a la mission de faire la promotion, le rayonnement de la francophonie et en particulier des franco-ontariens. Ce qui était peut-être nouveau aussi, on a beaucoup insisté sur le fait qu'on est au cœur de la capitale nationale et que l'université devait développer des liens avec la communauté. Et pour le reste, c'est certain que là, c'était moins nouveau. L'excellence dans l'enseignement, la recherche, la qualité, respect de son personnel. Et j'ajouterais que 2010, on voit un changement là, plus récemment. On a quand même créé là, un groupe de travail sur les programmes et les services en français à l'université parce que on peut quand même dire là que sous le mandat de M. Patry, il y a eu une une sensibilité qu'effectivement, le déséquilibre linguistique commençait à être très préoccupant. Et finalement, l'université a fait des consultations, a créé ce groupe de travail pour vraiment s'assurer là que le français est à sa place à l'université. Il y a même on peut même appeler maintenant, signaler là si on n'a pas été bien servi. Il y a un programme de plainte. Oui, exactement. Alors, il y a un éveil là et l'université a fait beaucoup d'efforts aussi pour recruter plus d'étudiants francophones, mais aussi ce qui est nouveau, un programme, essayer d'aller chercher les étudiants qui sont dans les cours d'immersion là partout au Canada et aussi les francophiles. Michel Prévost, archiviste en chef de l'Université d'Ottawa, merci beaucoup pour cette deuxième portion de la revue historique de l'Université d'Ottawa en lien avec sa communauté. Je souligne également, j'aurais voulu le faire en début d'entrevue, mais le grand succès qu'aura connu votre visite du patrimoine francophone de Sandy Hill, il y a de cela, je crois, c'était quand la date? Il y a deux semaines, où il y a eu quand même une trentaine. 54 personnes. Oui, c'est grâce à toute la publicité que vous nous avez faite. Mais c'est pas rien quand même, donc c'est un succès, c'est un succès assez important. De faire déplacer une cinquantaine de personnes un samedi matin, ça a été une belle surprise pour moi. Et en terminant, c'était un survol qu'on a fait, là, mais je vous rappelle qu'il y a les archives de l'Université d'Ottawa. Alors, c'est ouvert aux étudiants, à la communauté. On a une salle de référence qui est ouverte là, à tous les jours de la semaine. Et si vous voulez mieux connaître l'histoire de l'Université, vous êtes les bienvenus. Puis, on a aussi notre site web. Là, vous faites juste taper « Archives de l'Université d'Ottawa » puis vous allez entrer sur notre site. Mais on est au service des étudiants de la communauté. Et la visite du patrimoine français, du patrimoine francophone de la Côte-de-Sable, qui sera de retour la semaine prochaine, cet été? En fait, dès qu'on a une demande pour un groupe de 5 personnes et plus, on le fait. Il y a aussi visite du quadrilatère, mais je dois vous dire aussi que pendant la grande fin de semaine,